Chapitre 4. La curiosité des habitants se trouvait alors partagée entre ce château solitaire et l'habitation d'un médecin allemand, qui était venu se fixer depuis quelques mois dans ce pays. La maison qu'il occupait, à une demi-lieue du château, était un ancien presbytère dont il avait fait relever les ruines. Abritée au nord par une forêt noire et épaisse, elle recevait en plein les vents du sud-ouest. Les toits délabrés et battus alors par des souffles orageux laissaient tomber, dans les temps de pluie, des débris de tuiles moussues. Un enclos de broussailles et de haies vives enfermait un petit jardin où végétaient quelques légumes, des arbres à fruits et des berceaux de vignes. Les pigeons du château aimaient à venir se reposer sur le toit de la maison ou boire familièrement dans une source d'eau vive qui jaillissait de terre au milieu du potager. Le maître de cette maison abandonnée se nommait M. Georges Fritz. On s'étonnait beaucoup de sa manière de vivre. Les chasseurs qui allaient tirer les hirondelles ou les martins-pêcheurs le long des étangs le rencontraient souvent immobile et pensif au bord de l'eau. D'autres fois, on le voyait s'enfoncer seul au plus profond des bois, ou se frayer au hasard une route aventureuse à travers les brandes incultes dont le Berry offre çà et là le spectacle attristant et sauvage. Il semblait fuir par caractère la société des habitants du pays, qui ne tardèrent point à médire de son humeur farouche et de ses mœurs bizarres. Si les bourgeois des environs ne l'invitaient point souvent à leur table, en revanche, les chemins pierreux et bordés de haies vives qui serpentent mystérieusement sous les arbres le voyaient souvent s'asseoir à leur ombre avec un livre ouvert sur ses genoux. Parmi les paysans, Georges Fritz avait une autre réputation, il passait pour sorcier. La vérité est qu'entraîné par l'inquiétude et la curiosité du mystère, il s'était engagé tout jeune dans la sombre forêt des sciences occultes. Faust et les contes d'Hoffmann avaient été ses premières lectures favorites. Son père, vieil alchimiste allemand qui était mort assoufflé, l'avait initié ensuite au secret kabbalistique. Nul n'aurait pu lui en remontrer sur ces ténébreuses opérations de la magie, qui impliquent toujours une certaine grandeur, puisque l'intelligence humaine bornée demande alors à une puissance infernale et inconnue de reculer les limites du réel. Depuis, il avait fait la connaissance d'un disciple de Mesmer qui servait à le guider dans le labyrinthe ténébreux des secrets de la nature. Georges Fritz avait étudié en médecine, mais il ne croyait pas à cet art de guérir. Il n'avait foi que dans le principe mystérieux et bienfaisant que la nature a mis en nous pour soulager les maux de nos frères. Ses remèdes étaient simples. Ils consistaient dans la puissance du regard, dans des signes francs-maçonniques, dans un souffle généreux de ses lèvres communiqué à des vers remplis d'eau. Le jeune docteur ne demandait à ses malades qu'un peu de foi. « Croyez, leur disait-il, et vous serez guéris. » Les pauvres paysans abandonnèrent bientôt les autres médecins du pays et s'empressèrent à suivre M. Fritz. Ceux-ci en tombèrent en grande jalousie. Ils dénoncèrent leur rival au curé, qui en référa à l'évêque. La chose fit grand bruit dans un pays ignorant et superstitieux où le petit Albert régnait encore dans toute sa puissance. Le clergé de l'endroit prit en effet parti contre lui, et si le jeune docteur eût aussi bien vécu au XVIe siècle, nul doute que l'on eût brûlé en bonne forme comme magicien. Georges Fritz était tout simplement magnétiseur.